trois parties en fait. D'abord je vais jouer en solo, ensuite il y aura un grand ensemble d'improvisation et un groupe qui nous vient de Suède, c'est ça, qui joue plutôt du rock'n'roll, Kind. Voilà. Et il y aura une petite pause parce qu'il y a une grosse installation là. Voilà. Je pense que le bar, faut pas louper le bar de Marc, que vous connaissez sûrement. Vin naturel, qui font pas mal ni à la tête ni au ventre, mais du bien d'exprimer. Cool. Voilà.